bonjour à tous, bonjour auditeurs de Radio Guémozo, j'espère que tu es en pleine forme en ce mardi 9 août, j'allais dire lundi, mais non, nous sommes bien mardi, exceptionnellement cette émission a lieu aujourd'hui, je suis enfin de retour de vacances et je suis très très heureuse de vous retrouver, je suis Lia et je suis en direct avec toi depuis l'odeur du son, comme tu l'as compris, car ça y est, c'est un grand jour, premier jour de mon générique, merci Drex, je t'embrasse bien fort, on a aimé mon générique ? C'était stylé. Super. Il est temps quand même d'accueillir mon invité, Draven, alias Jérôme. Bonjour, comment vas-tu ? Coucou Lia, salut Guémozo, moi ça va super, très content d'être là. Super, moi aussi je suis très contente que tu sois là avec nous, Chris. Salut Lia, salut Draven et bonjour à toutes et à tous, très content d'être là également. Ça va, ça t'a pas trop manqué le micro ? Si. Si, vraiment, ça fait plaisir d'être de retour derrière le micro pour un petit peu... co-animé aujourd'hui. Ouais, c'est génial, je suis très contente. Alors nous sommes ici ensemble car, entre autres, nous organisons le 20 août un atelier podcast au sein des studios de Radio Guémozo et tu n'animeras pas, Jérôme, ce stage par hasard car tu es podcasteur depuis plus de 10 ans. Mais avant tout, si tu devais te présenter avec tes propres mots à toi, ça donnerait quoi ? Me présenter, ok. Très intéressant comme exercice pour me mettre dans le bain. Je suis fan de pop culture en général. Alors ça peut être tout ce qui est image animée, son. Donc il y a de la musique, il y a du cinéma, il y a de la série, il y a plein de choses comme ça. Beaucoup de passion qui déborde, beaucoup plus de passion que de temps pour les consommer et pour en parler. Je suis un enfant de la pop culture en fait. Génial. J'ai quelqu'un qui a grandi en regardant la télé en boucle, en jouant aux jeux vidéo et qui a constamment des références, des citations de films, de séries, de conneries comme ça qui me viennent. Donc voilà. Passionné de pop culture, c'est pour pas dire geek, quoi. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai que j'ai un rapport ambivalent avec ce mot qui a été un peu galvaudé. Mais c'est vrai qu'en fait, oui, je suis un geek. Voilà, c'était plus cool. C'est plus simple, t'as raison. Alors, quand est-ce que t'es tombé dans ce bain de la pop culture ? Enfin, pourquoi ? C'était... Oh là, tu sais, j'étais gamin, on avait un magnétoscope à la maison. Alors oui, j'ai grandi dans les années 80. Bienvenue au club. Voilà. Je suis rapidement devenu un peu le maître du magnétoscope à la maison. Je maîtrisais toutes les fonctions de programmation, d'enregistrement, de machin. J'enregistrais plein de choses à la télé. Puis je regardais aussi les cassettes qui traînaient, les grands classiques de mes parents, des trucs comme ça. Et en fait, ouais, je me suis construit une culture comme ça, des films que, à l'époque, on se rendait pas forcément compte qu'ils étaient cultes pour tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde parle de Retour le futur, Gremlins, SOS Fantôme. Ça, ce sont trois films que je regardais en boucle quand j'étais gamin, mais que mes copains regardaient pas forcément beaucoup. Alors qu'aujourd'hui, ça semble être, les trucs que tout le monde a vus 10 000 fois et tout machin. Donc bref, voilà, j'ai grandi comme ça. Pareil avec la musique. Peut-être on en reparlera, mais ouais, je me suis fait un peu ma culture musicale au fur et à mesure, tout seul, en apprenant, en écoutant aussi de la merde par moment. Il faut y passer, mais tout ça a vraiment forgé la personne que je suis, clairement. Génial, ça va, tu te sens pas trop dépaysé, Chris, au milieu des personnes nées en 1980? Non, mais c'est vrai, même si je suis d'une autre époque, on va dire, d'une autre décennie, plutôt, c'est mieux comme ça, je me reconnais un petit peu dans ce que tu peux dire, donc ouais. C'est assez, j'arrive un petit peu à. On va dire à m'assimiler à ce que tu dis. Mmh. Ok, ouais. Pourquoi pas. J'ai plus le mot, je suis stressé. Écoute, c'est pas grave, on y reviendra plus tard si tu veux. Alors pourquoi ce pseudo Draven ? Alors justement, ça vient du cinéma, comme plein de trucs avec moi, ça vient en général d'un film, d'une série ou d'un jeu, mais souvent d'un film. Draven, c'est le nom de famille du personnage principal du film The Crow, qui s'appelle Eric Draven, qui est un musicien, un rocker, qui a eu une histoire très malheureuse, puisque lui et sa fiancée ont été brutalement assassinés. Et l'histoire du film, c'est qu'il revient un an plus tard, et l'esprit d'un corbeau lui permet... Oui. de revenir et de se venger de toute la bande qui l'a tué. Et il va les exécuter de façon, je crois, encore plus violente que la façon dont lui a été tué. C'est un film que j'adore, que j'ai découvert quand j'avais peut-être 15-16 ans. Je crois qu'il est sorti en 94. Et ouais, qui m'a énormément marqué parce que toute l'imagerie rock, gothique, c'était une adaptation de comics, sachant qu'à l'époque, c'était pas encore si courant. Et avec une identité vraiment, vraiment particulière qui m'a énormément parlé. Et voilà, je suis encore fan de ce film à l'heure actuelle. Donc, j'adore ce pseudo. Mais justement, je crois que Raven en anglais, c'est un rapport avec le corbeau aussi, non ? Absolument, ouais, ouais. Et il y avait un jeu de mots, en fait, parce que il s'appelle Draven. En anglais, ça se dit Draven. Et en fait, c'était une contraction du mot The Raven, en fait. Il s'appelle Eric The Raven, Eric le corbeau, Eric Draven. C'est ça. Waouh. On va apprendre plein de choses. Et du coup, au niveau de The Crow, t'es plus, on va dire, Brandon Lee, Marc Dacascos ? Alors, j'ai un aveu. Brandon Lee à 200%. Je n'ai jamais vu un seul épisode de la série. C'est très étrange vu le culte que je voue au film, mais je crois que justement je n'ai jamais regardé la série parce que j'ai peur d'être déçu. Moi, Donnie, d'ailleurs, le fils de Bruce Lee, qui malheureusement, comme son père, a été assassiné lors d'un tournage. Bah, qui est mort pendant le tournage de ce film, à cause d'un accident malheureux, une balle. Alors, c'est une histoire un peu compliquée, mais en gros, il y avait une balle qui était engagée dans le canon d'un pistolet à blanc, chargé de balles à blanc, et quand ils ont déclenché la balle à blanc, et ben ça a propulsé la balle qui était coincée dans le canon et ça a tué Brandon Lee pendant le tournage de The Crow. La balle réelle, du coup, ouais. Est-ce que on en reparlera plus tard de tout ça, du podcast, vraiment en profondeur, mais est-ce que c'est quelque chose que t'aimes, ça, livrer des petites anecdotes sur le cinéma? Complètement. Alors, c'est génial. Ça, c'est une de mes plus grandes passions, et c'est d'ailleurs ce que je fais en podcast en grande partie maintenant depuis 10 ans, puisque mon podcast principal est un podcast cinéma où je raconte des tonnes d'anecdotes de genre, mais c'est vrai que déjà à la base, bien avant de faire du podcast, j'étais le genre de geek justement qui regardait tous les bonus des DVD, qui regardait les commentaires audio, qui regardait tous les bonus pour tout savoir, qui lisait des bouquins, qui allait consulter des sites internet anglo-saxons pour aller chercher justement des tas d'anecdotes parce que je voulais tout savoir. Alors voilà. Pourquoi podcasteur et pas réalisateur, comédien ou je ne sais quoi dans ce milieu du cinéma? Ah, c'est marrant, je me suis jamais trop posé la question, ça m'a jamais vraiment travaillé. J'ai vraiment jamais eu d'aspiration ni de réaliser mes propres trucs ni de jouer dedans parce que j'ai vraiment pas le feeling que je pourrais proposer quoi que ce soit d'intéressant. Spectateur, ça te va. Mais ouais, spectateur, moi je prends un pied phénoménal à regarder un film, à vivre, à vibrer et après si je peux le partager, en fait, essayer de le raconter à des personnes que ça intéresse ou d'attirer l'attention sur des personnes que ça pourrait intéresser. Génial. Donc ouais, voilà, j'adore ça. Est-ce que le cinéma, c'est un peu une échappatoire pour toi? Ouais, complètement. Ça, je le revendique. C'est un moyen d'évasion. C'est un moyen de vivre autre chose, de me plonger dans un autre univers, parfois des univers moches, mais c'est le temps d'un film, donc c'est cool, ça pose pas de problème. Et puis des fois dans des univers soit drôles, soit complètement fantasmagoriques, parce que je suis un gros fan de science-fiction, donc j'ai besoin d'évasion, mais d'évasion loin parfois aussi, de partir dans les étoiles, dans d'autres univers, d'autres civilisations. J'adore ça. Je vois. Alors, avant d'en savoir plus, on va vraiment se lancer dans le vif du sujet. On va se lancer un petit son. C'est toi qui as programmé toute la playlist de cette émission et ça nous fait bien plaisir. Mais avant, il y a quand même une grande question. Le podcast Kezako, en fait. Le podcast, ce sont des émissions comme des émissions de radio, mais qui sont diffusées sur Internet et qu'on peut télécharger et écouter quand on veut. Les Québécois ont un super mot pour ça, ils appellent ça la balado-diffusion. Ouais, et c'est beaucoup plus transparent, c'est beaucoup plus clair, je trouve, que le terme podcast, qui est en fait le nom anglais, quoi. Donc voilà, ce sont des émissions, mais qu'on peut écouter partout, tout le temps. C'est né avec les premiers baladeurs MP3. D'où le nom balado diffusion. Et surtout, ce qui est important, c'est que si les radios proposent leurs propres émissions en podcast, eh bien n'importe quel amateur comme moi peut aussi diffuser ses propres émissions sur Internet, qui peuvent être écoutées après par tout et n'importe qui. C'est génial. Voilà. Est-ce qu'on sait d'où ça vient? Comment ça a été créé? Par qui ce podcast? Précisément, non, je pense pas. parce que je pense qu'il y a, il y a une origine très commune avec la radio, forcément, et notamment la radio libre, justement, c'est cette envie de diffuser et de se détacher des formats existants et des radios, entre guillemets, officielles et des choses comme ça. Je pense que l'idée est la même, vraiment, que celle qui a motivé la création des radios libres. D'accord. À la fin des années 70, dans les années 60-70. Voilà, mais après, qui a commencé ? Aucune idée. Je pense que c'est juste un phénomène qui existait déjà et qui a un tout petit peu évolué avec les moyens technologiques et la démocratisation d'Internet. Est-ce que parfois on se trompe sur ce terme de podcast ? Oui, ça arrive que alors oui, j'ai déjà entendu beaucoup de choses fausses à propos du podcast. Par exemple, parfois quand je dis je fais du podcast, on me demande mais tu es sur YouTube ? Non, en fait c'est un autre monde. Mais c'est vrai que le podcast a démarré un peu avant YouTube, mais YouTube a complètement explosé depuis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit aux gens je fais mes propres émissions sur Internet, souvent le réflexe c'est de dire ah donc t'es sur YouTube. Non. Donc voilà, il y a des erreurs, il y a aussi parfois la notion d'abonnement, parce que il y a une certaine technologie qui se cache normalement derrière le mot podcast. Je vais pas rentrer dans les détails là, ça vous ennuierait, mais en tout cas il y a normalement une notion d'abonnement. On s'abonne à un podcast et après on reçoit chaque émission dès qu'elle est publiée. Or il y a parfois des émissions qui sont comme ça disponibles sur le net, qu'on appelle podcast, qui ne sont pas vraiment des podcasts en fait, qui sont plutôt de la catch-up radio, il y a sûrement un mot français pour ça. Possible. Je m'en souviens plus. Par exemple, nous, quand on remet nos émissions radio sur notre site internet, on les podcast, mais c'est pas vraiment un podcast. Voilà, c'est pas la véritable définition du podcast. Après, c'est pas choquant non plus, c'est pas grave. Tu nous en veux pas ? Non, pas du tout. Puis aussi, le problème avec YouTube, par exemple, c'est si dans ton podcast, tu passes de la musique qui ne sont pas libres de droits, YouTube sont très, je vais sortir un mot un peu vulgaire, mais sont très lourds, on va dire, avec les droits d'auteur, tout ça. Alors très restrictif. Voilà, très restrictif. Alors que sur différentes plateformes comme Spotify, par exemple, pour ne citer que ça, ou Deezer, t'as pas ce problème de droit d'auteur. Et donc, c'est aussi peut-être pour ça que les podcasteurs comme toi, par exemple, vous vous orientez plutôt vers ce genre de plateforme plutôt que sur YouTube. Ah, complètement. C'est vrai qu'il y a dans le podcast, comme je le disais, il y a encore un peu cet esprit radio pirate et tout ça. Oui. Et donc, parfois aussi, l'idée de diffuser du son qui ne nous appartient pas forcément. Et il y a une espèce de zone grise en termes de législation à ce niveau-là. Mais en tout cas, effectivement, sur la plupart des plateformes, ça passe sans problème. Oui. Parce qu'on n'en fait pas non plus d'exploitation commerciale. Il y a aussi ça qui fait qu'on nous laisse un peu tranquille. C'est en train de changer, d'ailleurs. Il y a une mutation qui est en train de se faire. Je pense pas que ça durera éternellement. Il y a une évolution dans le monde du podcast, on en parlera peut-être. Tout à l'heure, on va se lancer dans ce premier son que tu nous as choisi, Slayer. Ok, alors Slayer, je suis fan de rock et de métal. Slayer, c'est un peu la base, je sais pas, mais en tout cas le style de métal que je préfère, parce que le métal c'est un monde extrêmement vaste et complexe. Ça fait penser à la publication que tu as fait il y a quelques jours, c'était incroyable. Tout à fait. On embrasse les gars de Memento Mori en même temps. C'est clair. Donc voilà, il existe des tas de styles de métal différents et pas que des styles où il y a des gens qui hurlent, mais moi le style que je préfère c'est le thrash metal, et l'un des plus grands représentants du thrash metal c'est Slayer, avec son agressivité folle. Là j'ai choisi un morceau en plus très court, justement, où ils ont tout mis en moins de 2 minutes et demie, et c'est un de leurs derniers albums. Sachant qu'ils ont pondu plein d'autres chefs-d'œuvre, mais voilà, celui-là c'est un petit concentré d'agressivité folle, j'adore. Tu connais ça ? Bah oui. T'es fan ? Le rock et le metal, c'est j'écoute quasiment que ça. OK. Donc forcément Slayer ça me parle. Et tu as choisi quel titre ? J'ai choisi le titre Psychopathy Red de l'album World Painted Blood. Yes. incroyable, là. Voilà. Là, ça réveille, là. Merci. On est d'accord. De rien. Avec plaisir. Allez, on est toujours ensemble aujourd'hui, eh bien, pour parler avec toi de podcast et tout ça et tout ça. Mmh. Alors, pourquoi t'as été attiré par le podcast et pas par autre chose? Y a une raison toute bête que je trouve géniale avec le podcast, c'est que je peux faire autre chose en même temps. Ah, tout simplement. Et c'est vrai que c'est un peu une idée qui est à la base du concept du podcast, cette idée de balado-diffusion. C'est je peux l'écouter partout quand je sors de chez moi, je suis pas obligé de rester collé à la radio. Bon, c'était l'époque où on n'avait pas tous des smartphones et on n'avait pas tous accès facilement au contenu radiophonique. Ça découle vraiment de ça. Je peux vraiment faire constamment autre chose. D'ailleurs, c'est pour ça que je regarde peu de choses sur YouTube, parce que ça m'embête de devoir rester coincé devant mon écran et de pas pouvoir faire autre chose en même temps. Donc voilà, le podcast, je crois que il y a deux raisons. C'est que à la base, le premier podcast que j'ai écouté, ça devait être en 2007-2008 dans ces eaux-là, à propos du jeu vidéo World of Warcraft. Déjà parce que c'était un type de contenu que je ne trouvais pas ailleurs, que je ne trouvais pas dans les médias traditionnels. Et puis le fait que je pouvais l'écouter dans ma bagnole, en conduisant, en faisant la vaisselle, en faisant mes courses, en faisant tout et n'importe quoi. Et voilà. Et du coup, à partir de là, ça a été l'explosion vers des tas d'autres contenus, parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, il existe des tas de passionnés qui parlent de ce qui les intéresse et qui n'intéressent pas toujours les médias traditionnels. Et voilà quoi. Ouais, c'est vraiment pour ça. C'est pour le type de contenu et le confort de pouvoir faire ce que je veux en l'écoutant et en apprenant plein de trucs. À quel moment tu t'es dit « Allez, moi aussi, je veux le faire ». Eh ben, ça me travaillait, je crois, aux environs de 2009-2010, je crois même plus précisément 2011. En tout cas, 2010-2011, j'ai commencé à écouter des podcasts sur l'actualité technologique. Alors, c'était une époque folle de ce côté-là, parce que justement, on était sur les toutes premières générations de smartphones, il se passait plein de trucs. Il y avait Google qui sortait plein de nouveaux produits qui étaient révolutionnaires à l'époque. Et donc, moi... Je me tiens informé de beaucoup d'actualités en permanence, grâce à divers outils, que ce soit sur les films, justement, le cinéma, l'actualité généraliste, les jeux vidéo, enfin, toutes les choses qui me passionnent. Et à côté de ça, j'écoutais aussi des podcasts sur les mêmes sujets. Et quand j'entendais les chroniqueurs, je me disais, en fait, ils ont lu les mêmes articles que moi. Finalement, pour faire l'émission, pour préparer l'émission. Après, ils construisent, ils élaborent un tout petit peu et ils donnent leur avis, bien sûr. C'est pas juste, ils recrachent pas juste ce qu'ils ont lu. Mais en tout cas, je me disais, ah ouais, mais en fait, je pourrais peut-être le faire aussi. Puisque je m'informe à la source et donc voilà, je serais peut-être capable de le faire. Pour un petit côté aventurier. C'est ça qui est marrant, c'est que je me disais je pourrais peut-être le faire, mais sans avoir jamais parlé dans un micro, sans savoir si j'en étais véritablement capable, effectivement. Donc ouais, je pense qu'il y avait un côté j'ai envie d'essayer sans avoir la moindre idée de si je peux faire ça vraiment un jour. Incroyable. Alors comment on devient podcasteur? Est-ce qu'il y a des conditions, des qualités, des prérequis? Il y a alors un prérequis que moi je trouve essentiel, qui est probablement pas celui que d'autres personnes citeraient en premier, c'est la passion. Oui. Je crois que si tu parles de quelque chose qui te passionne, ça se sent, ça s'entend. Et donc du coup, il y a une transmission de l'information qui est différente, qui est vraiment plus intense quelque part, et qui touche les auditeurs, les auditrices d'une manière différente. Je dirais, si je devais en retenir qu'une, c'est vraiment ça. Après, savoir parler. Ça peut s'apprendre. Avoir le bon matériel, faire du montage, ça peut s'apprendre. Mais la passion, franchement, ça, c'est un truc. Tu peux pas te forcer à être passionné quelque chose. Voilà. Et ben, si tu l'as, cette passion, et ça va tout de suite s'entendre, ça va se transmettre. Et rien que ça, t'as déjà, je dirais les trois quarts de ce qui va faire une bonne émission. Génial. Alors, quels sont tes sujets de prédilection en podcast? De quoi ça parle tes podcasts? On a entendu cinéma, pop culture. Alors, le tout premier podcast auquel j'ai participé en voyant passer une annonce sur le net, tout simplement, c'était quelque quelqu'un qui cherchait justement des chroniqueurs pour des podcasts sur l'actualité technologique. Mm-hmm. Donc j'avais dit salut, moi peut-être je peux le faire. Voilà, ça me branche bien. Bon, à l'époque j'avais un blog où je parlais un tout petit peu effectivement d'actu tech et où je faisais des critiques de films. Et mes tout premiers podcasts pendant quelques mois, je les avais fait avec un micro casque PlayStation que j'avais fait et voilà, ça marchait. C'était pas le meilleur micro du monde, mais ça marchait. Mais ouais, ça c'était en 2011. Et en 2012, on a lancé, justement avec un autre chroniqueur de cette première émission que j'ai rencontré en faisant cette émission, on a lancé un podcast sur le cinéma. Je dirais que ça, c'est mon cœur de sujet. C'est le cinéma. On a lancé ça en 2012, ça s'appelle 24 FPS. Donc ça fait 10 ans que ce podcast existe aujourd'hui. Et c'est clairement grâce à cette émission-là que je me suis constitué une communauté, que j'ai appris énormément de choses aussi, parce que au début, eh bien, on faisait des émissions qui duraient 1h, 1h20, alors qu'aujourd'hui on tourne en moyenne autour des 4-5 heures sur un film. Parce que sur un film ouais sans problème, ouais. Parce qu'on va dans les détails, justement, parce que le format nous permet de nous lâcher, de parfois complètement digresser, de parler de complètement autre chose. C'est-à-dire, ça nous tient, une scène d'un film nous fait penser à un sujet dont on a entendu parler ou un truc qu'on a vécu. Comme on n'est pas limité par un format, eh bien, on peut se permettre de parler totalement d'autre chose. Mais il y a aussi des émissions où on parle, par exemple, de films cultes et où il y a tellement de choses à dire sur les coulisses du film que oui, ça dure 4-5 heures, même en restant complètement dans le sujet de base, quoi. Mais c'est incroyable, on peut trouver autant d'informations que ça sur certains films. Bien sûr, parce que non seulement il y a des anecdotes, il y a des anecdotes de tournage, de production, de post-production, parfois même qui se sont déroulées après la sortie du film. Déjà rien que ça, sur certains films, il y a un réservoir parfois colossal, mais parfois aussi on peut faire des ponts entre ce dont on parle et comme je le disais, d'autres sujets, des sujets de réflexion, et du coup, on peut se permettre de pousser la réflexion, de faire aussi des débats, des choses comme ça, et parce qu'on a le temps, parce qu'on n'est pas limité par un horaire fixe qui nous dit au bout de tant de temps, l'émission sera finie. Non, si l'émission, si on a besoin de 3 heures, on prend 3 heures, si on a besoin de 5 heures, on prend 5 heures. Et l'avantage du podcast, c'est qu'on peut l'écouter en plusieurs fois. Et oui. On peut l'écouter autant, on peut découper. Je sais qu'on a des auditeurs qui nous disent, ah bah, c'est cool, vous avez sorti un nouvel épisode, vous serez avec moi toute la semaine, pendant mes trajets domicile, boulot, par exemple. Et ça fait partie aussi de la liberté du podcast, c'est ce format que l'on choisit, il n'y a pas une durée limitée, et ça doit être confortable. C'est ça, liberté de durée, de format, de ton, de liberté de tout en fait. On peut faire l'émission qu'on a envie de faire. Si on a envie par confort ou pour se rassurer, de s'inscrire dans un certain type de format, on peut le faire. Mais il n'y a pas d'obligation. Chacun peut faire le type de contenu dont il a envie et qui lui ressemble. Et c'est aussi ça, je pense, qui a fait le succès de 24FPS, c'est que c'est une émission qui me ressemble et qui ressemble à Julien, mon comparse, puisque voilà, il y a beaucoup de nous qui transpire aussi dans cette émission. On n'est pas là assis coincé sur notre chaise. Non, en fait, on se lâche. C'est une conversation entre nous où on rigole, on raconte des bêtises par moment. Enfin bref, voilà, c'est très libre. Vous n'êtes pas ensemble à ce moment-là où il est ailleurs. Ouais, jamais. On a jamais enregistré ensemble. Il est loin, il me semble. Il est très loin. Alors, il a toujours été loin de base, mais là, il est vraiment très loin, puisque Julien est belge. Donc, on a toujours enregistré nos émissions à distance, donc via des applis comme Skype, des choses comme ça. Et donc, il a été très très longtemps en Belgique, mais effectivement, là, depuis 2 ans, il vit maintenant sur le sol américain. Il est à San Francisco. Ah oui. Donc, en plus de la distance, il y a maintenant aussi la notion de décalage horaire, tout à fait, qui est intéressante pour trouver des créneaux. Et comment on fait alors? On enregistre la nuit. Il y en a forcément un des deux qui sacrifie une nuit de sommeil pour pouvoir faire une émission. C'est toujours toi? Non, pas forcément. Non. Franchement, ça a été un peu des deux. Ouais, c'est assez partagé ça. Mais du coup, au niveau de la qualité audio, vu que c'est à distance, c'est pas trop gênant? Non, pas du tout, parce que ce qu'on fait, alors c'était pas ce qu'on faisait les toutes premières années, mais les premières années on tâtonnait. Mais maintenant, ce qu'on fait depuis des années, c'est que chacun s'enregistre directement chez lui. Chacun enregistre uniquement sa voix. voix chez lui. D'accord. Voilà. Et donc chacun a sa piste hyper propre. Ah, okay. Voilà. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'à la fin de l'enregistrement, lui, il m'envoie la piste, sa piste, avec uniquement sa voix, que moi, dans le logiciel de montage, je joins et je cale avec la piste où il y a uniquement ma voix. Et du coup, on a tous les deux un enregistrement hyper beau, hyper propre de notre voix en direct sur notre ordinateur. Et donc moi, après, au montage, eh bien, je m'assure juste que tout est bien calé et je remets juste les deux voix ensemble au même niveau. Et on a une qualité tip-top de chez tip-top. Génial. Ça, c'est important, la qualité dans le podcast. Oui, l'audio, de toute façon, c'est simple. Un son qui est désagréable à écouter, on ne tient pas longtemps. Hein. Clairement, je ne sais pas, il peut se passer plein de choses. Il peut y avoir des grésillements, de l'écho, je ne sais quoi. Il y a tellement de choses qui peuvent flinguer un enregistrement audio. Voilà. Et c'est vrai que si c'est désagréable à écouter, on passe vite à autre chose et c'est normal, c'est logique. Voilà, si c'est pas agréable. Et c'est aussi vrai, et ça on n'y pense pas souvent, c'est aussi vrai pour la vidéo. Oui. Parce que souvent, justement, il y a des youtubeurs qui se lancent, qui achètent du matos de malade, des caméras 4K ou je ne sais quoi, et qui ont un son pourri. Et franchement, une vidéo avec un son dégueulasse et une image sublime, on la regardera pas longtemps. Alors qu'une vidéo avec une image dégueulasse mais un très bon son, ça passe nickel. On peut l'écouter sans problème. Incroyable. Donc le son est absolument vital, bien sûr. Oui. Et du coup, avant d'enregistrer un podcast, est-ce que tu as une certaine routine? Par exemple, je sais pas, tu te fais couler un café, un thé, tu prends un bain avant. Intéressant. Est-ce que tu podcastes depuis ton bain moussant? Et ça peut être un concept de podcast. Mais carrément. Ça, en tout cas, ouais. Génial. Peut-être ça existe. Dans ma baignoire. Ouais. Excellent. Et tu profites de la réverbération naturelle de ta Mais salle ouais, de bain qui a une autre sonorité. T'as un petit côté ASMR avec la mousse. Ouais. Il y a un concept là. Une routine de ma part, non. Pour être franc, je crois pas. Je fais rien de spécial. Il y a certaines émissions où je veille à me servir juste un grand verre d'eau pour tenir justement 5 heures d'émission. Pour la voix. Voilà, pour la voix. Parfois une bière, mais en dehors de ça, non, rien de spécial. Je vérifie que, comme je fais ça chez moi, je vérifie que toutes les portes sont fermées, que les fenêtres sont fermées, qu'il n'y ait pas un hélicoptère ou une moto ou un truc qui fasse un bruit infâme, que le téléphone est sur silencieux, voilà, des choses comme ça. Mais en dehors de ça, c'est vrai, j'avoue, il n'y a pas de routine particulière. Ou pas alors. Des exercices de respiration peut-être avant de prendre l'antenne. Alors ce serait sûrement une très bonne idée. Délocution, voilà, merci. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. D'accord. Jamais. Non, par contre tu me fais penser à un truc qui est super important et que j'essaie de faire à chaque fois, quasi à chaque fois, parce que il y a très longtemps j'ai eu des problèmes, mais heureusement c'était il y a très longtemps. C'est par contre j'enregistre un tout petit bout, un extrait de 10 secondes de ma voix, juste pour être sûr qu'il y a pas de problème en fait. Juste pour être sûr que l'ordinateur a bien sélectionné le bon micro, ou que justement il n'y a pas un câble qui fait un bruit horrible ou je ne sais quoi. Voilà, je m'enregistre 10 secondes où je raconte n'importe quoi. J'ose pas vous dire ce que je dis dans ces moments-là parce que en fait je crois que je sors toutes les insultes qui me passent par la tête. C'est pas vrai. Ouais, je sais pas pourquoi. C'est une libération. J'ai toujours fait ça en fait. J'ai dit des monstruosités et après je réécoute, je dis hop, c'est bon, le son est bon, on peut se lancer. Voilà. C'est quoi ta routine dans votre podcast? Je balance des insultes. Voilà. Bah voilà, c'est tout, c'est comme ça. Comment on fait pour rester concentré pendant 5 heures? C'est incroyable. Je sais pas, j'y réfléchis même pas parce que je prépare mes émissions en amont, parfois très longtemps en amont. On en parle. Et donc c'est vrai que j'ai un contenu parfois que je note, parfois où j'ai strictement rien de noté, où j'ai tout dans la tête, et il faut que ça sorte. Je sais où je veux aller, je sais de quoi je veux parler, vraiment du début à la fin. Ça veut pas dire qu'il y a pas d'improvisation aussi pendant l'émission, hein. C'est pour ça que parfois on part sur autre chose ou on développe des choses que j'avais pas prévues ou des choses comme ça. Mais globalement, ce qui, je pense, m'aide à rester concentré, c'est que j'ai un sujet à dérouler. Je sais où je veux qu'on commence et où je veux qu'on finisse. Voilà. Il y a des pauses pipi pendant les 5 heures? C'est arrivé. Non, c'est vrai, c'est arrivé. C'est bizarre de parler de ça, mais globalement, Julien et moi, en tout cas, on n'a pas trop de problèmes de ce côté-là. On arrive sans sans trop forcer à se retenir. Alors c'est vrai qu'il vaut mieux pas trop boire du coup avant de commencer, c'est parce que c'est sinon vrai. Voilà. Mais oui, non, c'est déjà arrivé que l'un de nous deux dise attends, écoute, stop, en fait là il faut que j'y aille vite fait. Bon voilà, l'avantage c'est que comme on n'est pas diffusé en direct, oui. Tout ça disparaît complètement au montage, évidemment. Ok. Est-ce que tu l'as vraiment rencontré un jour, Julien? On s'est rencontré deux ou trois fois. Je crois une ou deux fois en Belgique, une fois en Allemagne parce qu'il vivait près de la frontière allemande. Oui, on s'est heureusement rencontrés. Non, c'était ça. Une fois à Paris, une fois en Belgique, une fois en Allemagne. Mais ça commence à remonter. Je crois que ça commence à faire un paquet d'années qu'on ne s'est pas vu. Je pense que ça doit faire au moins 5-6 ans qu'on ne s'est pas vu. Ouais. Alors que ça fait 10 ans qu'on fait cette émission ensemble. Mais pourtant, le temps qu'on passe à faire ces émissions, on se connaît hyper bien, on est comme des potes, on est potes, tu vois. C'est vraiment quelqu'un de proche, limite, vu le temps qu'on passe des fois à enregistrer, parce que ça, c'est la durée des émissions, mais avant et après les émissions, on parle aussi de plein d'autres choses, qu'est-ce que tu deviens, machin et tout. Donc, c'est incroyable. Voilà, on passe un temps fou à discuter. La Belgique, ça me fait penser à quelque chose, t'as pas fait quelque chose il y a pas longtemps? Oui, j'ai été, effectivement, j'ai été chroniqueur sur la radio La Première, qui est une radio de la RTBF, donc effectivement la radio publique, la radio-télévision publique belge. Oui. Et effectivement, j'ai été intervenant pour parler du film L'Exorciste. Mmh. Ouais, puisque justement, mes domaines de prédilection, c'est tout ce qui est cinéma de science-fiction en priorité, mais aussi fantastique au sens général, et voilà. Beaucoup d'opportunités, en fait. Ben, quelques-unes, en tout cas, ouais, qui sont venues comme ça. J'ai été invité aussi sur France Inter, il y a 2 ans, dans l'émission Blockbuster de Frédéric Sigrist, que j'adore, parce que justement il est l'un des rares à parler de pop culture à la radio publique française. Et j'avais été invité dans le cadre d'un de mes autres podcasts, puisque j'ai lancé un podcast qui s'appelle Galactifrac, qui est entièrement dédié à une série de science-fiction qui s'appelle Battlestar Galactica, dont je suis énormément fan, qui manque un peu de visibilité en France, alors qu'aux États-Unis, c'est un véritable phénomène culturel dont parlaient tous les grands médias lorsque la série avait été diffusée. Et voilà, c'est une série, c'est un podcast que je ne fais pas tout seul non plus, que je fais en compagnie de Karine, où l'idée c'est que moi je suis l'expert, on va dire, et elle par contre découvre la série au fur et à mesure qu'on fait le podcast. Du coup, ça nous permet de partager aussi des points de vue très différents et très variés. Mais t'as combien de podcasts du coup ? Ouais, disons ça, c'est les deux principaux. 24 oui. FPS sur le cinéma et Galactifrac sur Battlestar Galactica, ce sont vraiment les deux principaux. Il y en avait un troisième que j'ai lancé, que je fais de façon beaucoup plus dispersée, qui s'appelle Artefrac, où je raconte ma vie. Alors, dit comme ça, c'est un peu bizarre. Mais et en plus, c'est un autre type de podcast, c'est ce qu'on appelle du streetcast. Le streetcast, ce sont des podcasts qui sont enregistrés en extérieur, en se baladant. Génial. Voilà, tu pars te promener, tu pars faire un tour. Mm-hmm. Et bon, il faut un certain type de matos. Encore que avec un simple smartphone, tu peux faire un streetcast. Et tu pars te balader et tu enregistres dehors. Donc, on entend les sons autour de toi, de la nature ou de la circulation si t'es en ville. Toutes les formules existent. Voilà. Et donc, je pars me balader et je raconte des histoires qui me sont vraiment arrivées et qui sont assez dingues pour certaines, qui sont vraiment improbables. Il y a eu des histoires où j'ai été menacé avec un pistolet. Alors que j'allais dans un magasin chercher une réparation, et c'est le vendeur du magasin qui m'a menacé avec un pistolet. Il y a des histoires complètement tarées. Il y a des histoires où on m'a emmené faire du ski, enfin du snowboard, alors que je ne savais pas du tout en faire, et où en gros on m'a emmené tout en haut de la montagne, on m'a dit ben ciao, on se retrouve en fin de journée, et c'est pire qu'un film, parce que c'est absolument incroyable, parce que le snowboard était usé, il était un peu défectueux, et du coup je ne pouvais pas l'enlever. Ah oui. Je ne pouvais ni enlever les bottes de ski, ni me désolidariser du snowboard. Et donc, du coup, j'ai mis toute une journée à descendre la montagne dans des conditions absolument catastrophiques. Voilà le genre d'histoire que je raconte, des histoires complètement folles qui me sont arrivées et qui ont aussi du succès. Mais là, c'est une audience quand même très, très, très, très, très réduite. C'est vraiment mes fans sur les autres émissions qui écoutent celle-ci. En fait, t'as pas besoin d'être réalisateur ou comédien. Tu vis dans un film. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et puis même quand c'est des histoires de grosses galères et que c'est des moments pas du tout fun, c'est vrai que je le raconte aussi de façon assez légère, enjouée. J'essaie de faire vivre le truc aussi et ça reste agréable à écouter. J'ai envie d'entendre ça. Je vais écouter ça. On va se lancer dans un deuxième son que tu m'as mis de côté pour cette émission, que tu m'as proposé. Alors, est-ce que je vais réussir à dire ça Megadeth, autre grand groupe de la scène thrash metal. Hein, on considère qu'il y a quatre grands groupes. Il y a Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax et plein d'autres. Honnêtement, il y en a des tas d'autres aussi. Mais ouais, Megadeth qui est vraiment, vraiment un de mes groupes favoris parce qu'il arrive à mêler à la fois l'agressivité du thrash metal dont on parlait tout à l'heure avec Slayer, mais aussi un côté plus mélodique. Et j'ai exprès choisi ce morceau pour ça justement. C'est parce que les trois quarts du morceau sont quelque chose de très plutôt rock en fait, vraiment mélodieux tout ça. Et par contre, tout à la fin, ça, il lâche les chevaux et il envoie et il te refait les mêmes refrains qu'avant, mais en accélérant largement le tempo, et on retrouve bien ce qui fait toute la richesse aussi du thrash. C'est voilà. Étonnant que tu aies jamais proposé un podcast sur le métal. Ouais, je sais, on m'a déjà posé la question plein de fois. Je vais te dire ce que je vais dire, ce que je dis toujours dans ces cas-là, c'est bizarrement, je me sens pas légitime pour parler de ça. D'accord. Voilà, je saurais pas l'expliquer, mais ouais. Alors on écoute ça tout de suite, on se retrouve juste après. Looking back at what he left On est toujours sur Radio Gémozo ensemble aujourd'hui avec Jérôme, podcaster. Heureusement qu'il était là, car lancé dans une discussion, tu aurais peut-être pu prendre un petit blond dans les oreilles. Merci Jérôme. En tout cas, je suis super contente que tu sois là aujourd'hui. Ils ont l'habitude des blancs. Oui, avec toi. Voilà. Alors, on en a parlé un petit peu juste avant. Concevoir un podcast, ça prend du temps. Ouais, comment ça se quantifie? Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, bien sûr. Il y a plusieurs approches. Oui. Hein. Tu peux aussi faire des podcasts à l'arrache. Mais oui, ça peut prendre du temps. Et il n'y a pas une façon de préparer un podcast, hein, il y en a plein. C'est vrai que moi, je me plonge dans mon sujet. Quand on traite un film ou une saga cinématographique, par exemple, en fonction du film, en tout cas, qui est traité, si c'est un ancien film, parce que en général, on reste plutôt collé à l'actu cinématographique, l'actu de ce qui sort en salle. Mm-hmm. Et déjà là, j'arrive à trouver beaucoup d'infos pour faire des émissions. Mais les rares fois où on a fait des films cultes ou des sagas cultes, bah alors là, j'ai des DVD, des Blu-ray, des livres, des sites internet, et donc que je passe des heures, voire des jours, voire des semaines, voire des mois, dans certains cas, à consulter, et où effectivement, après, je rassemble une quantité astronomique de notes que je déroule après dans l'émission, quoi, ou dans plusieurs émissions aussi, des fois, hein, parce que la fois où ça m'a piqué de dire tiens, il y a Disney qui va bientôt faire des nouveaux Star Wars, ça te dirait pas qu'on parle un peu des anciens, parce que bon, je suis quand même un peu fan de Star Wars et tout machin, j'ai fait partie d'un fan club à une époque, j'ai des choses à raconter. Et ça a été des mois de préparation, en fait. Ouais, des mois. Mais je suis très très fier de ces émissions-là, parce que non seulement elles ont été la porte d'entrée d'énormément de nouveaux auditeurs de 24 FPS, mais encore aujourd'hui, je crois que ces émissions sur Star Wars, sur les vieux Star Wars, ont été diffusées en 2015. Encore aujourd'hui, j'ai des gens qui me disent, je les réécoute régulièrement, tellement elles sont riches en informations, tellement il y a des infos que j'ai jamais entendues ailleurs dedans. Incroyable. Voilà. Super. Et du coup, est-ce que c'est possible de vivre de podcasteur? Est-ce que c'est ton métier? Non, c'est une passion. Ça me coûte des sous pour héberger mes émissions, mais ça ne m'en a jamais rapporté. Alors, je vais répondre à ta question. Oui, à l'heure actuelle, c'est possible d'en vivre, parce que depuis maintenant 2-3 ans, il y a un petit changement en France qui arrive assez tardivement comparé aux États-Unis, où aux États-Unis le phénomène est plus ancien. Mais en France, effectivement, il y a une professionnalisation du podcast qui arrive. Alors, avec ses défauts, parce que il y a aussi du coup des gens qui arrivent dans ce milieu uniquement pour gagner de l'argent, et du coup on perd la fameuse passion dont je parlais tout à l'heure, qui propose des choses formatées, qui propose des choses finalement qui sont similaires à ce qu'on entend dans les médias traditionnels, parce que c'est probablement la meilleure façon d'en vivre. Clairement. Mais au niveau plutôt des amateurs comme moi-même, en vivre, c'est à mon avis illusoire, mais il y a possibilité, il existe plein d'outils maintenant pour recevoir des dons ou des petites contributions, des choses comme ça. Ça peut aider à payer un peu de matos ou un peu d'hébergement ou des petites choses comme ça. Mais les podcasteurs qui en vivent réellement aujourd'hui sont des podcasteurs professionnels qui sont finalement relativement formatés. Voilà. C'est peut-être un de tes objectifs à l'avenir, ou tu veux que ça reste une passion pour toujours finalement? En tout cas, pour les émissions que je fais, qui existent déjà, effectivement, on m'a déjà proposé de m'envoyer de l'argent. On m'a déjà dit, j'aime tellement ce que tu fais que je voudrais te soutenir et je voudrais t'envoyer ne serait-ce que des dons ou des trucs comme ça. Mm-hmm. Et j'ai toujours refusé parce que, je sais pas, c'est idiot en fait, parce que je saurais même pas l'expliquer. Je dois être un peu con. Mais non, je sais pas, je le conçois pas comme ça, effectivement. Maintenant, oui, pour d'autres, maintenant que le format évolue en France, il est véritablement en train d'exploser. Il y a de plus en plus de monde qui se lance dans le podcast en France. Et effectivement, je ne serais pas contre, pour d'autres formats, pour d'autres types d'émissions, effectivement, de pouvoir en vivre, ou en tout cas que ça puisse être un revenu, ne serait-ce qu'un revenu complémentaire. Ouais, je l'élimine pas du tout, au contraire. On y pense. On a des projets là-dessus. Quels sont tes podcasteurs préférés? Préféré, intéressant. Il y a un podcast français qui aujourd'hui existe toujours, mais qui n'est probablement plus cité par grand monde comme étant une référence. C'est un podcast qui s'appelle L'Apéro du Capitaine, qui est assez ancien, qui a dû aussi commencer dans les alentours des années 2010 ou quelque chose comme ça. Et en gros, c'était une bande de potes dont un ou plusieurs tenaient un cybercafé à Paris, qui existe toujours, et qui se réunissaient dans la cave du cybercafé et qui enregistraient des émissions où ils avaient chacun des rubriques. Il y en avait un qui parlait un peu de l'actu tech, un qui parlait d'infos insolites, de choses comme ça. Mais tout ça dans une ambiance complètement débridée. Tu sentais vraiment qu'ils étaient entre potes, qu'ils se connaissaient depuis longtemps, mais tout en faisant très attention que ça reste audible et intéressant. Oui. Voilà, parce que les réunions de potes. Voilà, ça peut vite devenir un piège, effectivement, de délirer en soi et de laisser l'auditeur complètement en dehors du délire. Et eux, ils ont réussi à se construire un univers comme ça. Alors, ils l'admettent, parfois alcoolisé, clairement, parfois fortement alcoolisé, mais je pense que ça a été un podcast déclencheur. Aujourd'hui, ça reste un des podcasts indépendants qui fait les plus grosses audiences en France. Mais ça a été un déclencheur, je pense, pour moi et pour beaucoup de gens, de se dire ah ouais, en fait, on peut se lâcher, on peut vraiment, vraiment s'amuser, mais aussi proposer du vrai contenu, proposer des vrais débats de fond parfois, qui peuvent complètement déraper aussi, et ainsi de suite. Et du coup, s'amuser en gros. Et voilà. Et je pense que c'est eux qui m'ont vraiment transmis ce mélange entre le plaisir à le faire et la possibilité aussi du contenu. Très bizarrement, ils peuvent, raconter des blagues de cul et 5 minutes après partir sur un débat l'implication morale de certaines technologies dans nos vies ou des choses comme ça. Donc, et c'est ce mix, c'est ce mélange qui m'a vraiment marqué. Après, ouais, voilà, des podcasts. Alors, je les ai déjà rencontrés, plein de podcasteurs. Il y a longtemps, j'étais parce qu'en fait, ils avaient un truc où on pouvait leur faire des dons en bière, ce qui existe toujours d'ailleurs, ce qui se fait toujours. Et j'avais fait ça il y a très très très longtemps quand moi j'étais un tout petit débutant, Trop bien. Et mais j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi plein d'autres podcasteurs que j'adore sur des tas de sujets. C'est souvent de la pop culture quand même, c'est souvent du cinéma, des choses comme ça, mais pas que. Aussi de la musique ou des choses improbables. Enfin bref, voilà. Quel est le premier film dont tu as parlé? Oh là là, quelle horreur. C'était notre tout premier épisode dans 24 FPS. C'était le remake de Total Recall, qui est très mauvais. J'ai une anecdote rigolote à propos de ça, à propos de notre première émission. C'est que notre vraie première émission, c'était pas celle-là. Notre vraie première émission, on l'avait enregistrée à propos du film The Dark Knight. Dark Knight Rises, qui était le troisième de la trilogie de Nolan, après Batman Begins et The Dark Knight. Sauf qu'à l'époque, j'étais pas encore au point niveau matos et j'avais pris un logiciel que j'avais trouvé en ligne où il y avait une période d'essai gratuite et je me disais il est cool, je vais prendre ça pour qu'on s'enregistre parce que ça me permettait d'enregistrer à la fois moi et Julien qui me parlait à distance. À l'époque, on s'enregistrait pas séparément. On a enregistré cette émission sur The Dark Knight Rises et je l'ai réécouté et comme c'était un logiciel gratuit, il y avait une petite voix en anglais qui disait toutes les 15 secondes, ce logiciel est une version gratuite pour débloquer, pour que ce message disparaisse, vous pouvez acheter la version payante. Non, toutes les 15 secondes sur nos voix. Donc on n'a jamais diffusé cet épisode et du coup notre premier vrai épisode c'était sur le remake de Total Recall qui était pas ouf, mais comme j'adorais le film original, c'était l'occasion de parler de ça. Super. Et le dernier film dont vous avez parlé? Là, le tout dernier, c'était Top Gun, si je dis pas de bêtises. Top Gun Maverick. Ah oui. Donc, qui nous a permis de revenir sur le Top Gun original, sur le phénomène que c'était dans les années 80. Donc voilà, on est toujours collé sur les sorties ciné, les événements ciné. Et là où on a fait finalement des vieilles sagas, la plupart du temps, c'était un peu pendant les 2 ans de flottement liés à la crise sanitaire où les cinémas étaient fermés. Et on a fait un peu autre chose. Mais sinon, on est toujours sur l'actu ciné, quoi. Est-ce qu'il faut des super pouvoirs pour être podcasteur? Il faut être sympa et passionné et aimer ce qu'on fait et surtout aimer les choses dont on parle. Pour moi, c'est un vrai super pouvoir, Parce que comme je le dis, tout le reste, ça s'apprend. Mais pas ça. Est-ce que les podcasteurs vivent en tribu? Un petit peu. Alors ça, c'est pas complètement faux. C'est vrai que c'est aussi un petit milieu underground. Et tu sais, quand on connaît les cultures underground, c'est vrai qu'on aime bien aussi parfois être entre nous. On aime bien critiquer justement les podcasteurs professionnels qui arrivent, qui sont là que pour le fric et tout ça, machin. Mais d'un autre côté, il y a une vraie... Il y a une vraie scène de podcast comme ça, amateur, underground en France, qui est super importante. Hein. On est quand même super nombreux à faire plein d'émissions sur plein de sujets différents. Alors c'est vrai qu'on le prend un peu mal quand, depuis quelques années, on est phagocyté par des professionnels, des anciens journalistes ou des choses comme ça, qui viennent et qui débarquent. Et le problème, c'est pas qu'ils arrivent et qu'ils fassent du podcast. Le problème, c'est qu'ils disent « on est les premiers à le faire ». Et ça, des fois, nous, ça nous fait un peu grincer des dents. Mais sinon, en dehors de ça, nous, on a une vraie, entraide, une vraie culture, justement, où il y a des podcasteurs que j'ai contactés à certaines époques pour des conseils techniques ou des choses comme ça. Il y a des gens qui m'ont dit, voilà, je t'écoute depuis des années, j'aimerais bien lancer ma propre émission. Du coup, je leur ai envoyé des liens, des ressources, des trucs. J'aurais dit, écoute, là, il y a des conseils sur du matos, là, il y a du conseil sur le montage, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et il y en a qui se sont lancés, et ainsi de suite. Donc, ouais, c'est un vrai milieu, effectivement, à part. Ouais. Génial. Alors, j'ai une question complètement à part, mais je vais te la poser quand même. Tu es également musicien. Oui. Quel est le morceau que tu kiffes, mais que tu n'assumes pas du tout? Le morceau que moi, j'ai composé, que je kiffe? Un morceau que tu adores mais que t'assumes pas. Ah ouais, alors pas forcément que j'ai composé, parce que moi ce que j'ai composé c'est très... Bah, je l'assume, encore que le processus de composition est quelque chose... T'es pas que musicien, t'es compositeur du coup. Oui, j'ai mon propre groupe de thrash metal que j'ai créé, que j'ai fondé et effectivement j'ai écrit ou co-écrit tous les morceaux. Génial. Bon, ça ressemble à Slayer en gros, là, ce qu'on a écouté tout à l'heure. Super. En gros, si je devais résumer. Mais globalement, bon, le processus, en tout cas, de composition est quelque chose que je déteste. D'accord. Donc, parce que c'est très violent pour moi, parce que, je sais pas, il y a quelque chose que je dois injecter, il y a quelque chose de moi-même que je dois injecter dans ma musique, et après que je dois soumettre au reste du groupe, et pourtant ce sont des gens extrêmement bienveillants, que j'adore, on s'adore tous, on a envie de faire la même musique, mais c'est un processus, voilà, T'es un peu à poil, quoi. Ouais, et avec lequel, encore aujourd'hui, j'ai du mal. Voilà, mais non, bah sinon, parce que musicalement j'écoute des tas de bêtises, j'écoute beaucoup de métal, mais un truc vraiment bête que j'assume pas, je sais pas, ou alors pas bête en fait, juste une belle chanson. Ah si, il y a un truc vraiment kitsch. Ouais, il y a une chanson qui s'appelle You're Just Too Good To Be True par Boyton Gang. C'est un truc des années 80, mais c'est une reprise d'un très vieux morceau, et ça sonne à la fois un peu disco et un peu et ouais, il y a des restes de disco et un peu pop des années 80, avec un clip complètement improbable, avec des mecs des grands moustachus super baraqués en cuir et tout ça, enfin, c'est totalement improbable, et en fait je surkiffe ce morceau. Je ne peux pas l'expliquer, mais You're Just Too Good To Be True, j'adore cette chanson. Elle est absolument sublime pour moi, alors que tout est totalement kitsch. C'est pas cette chanson qu'on va écouter tout de suite, mais on aurait pu. On va partir dans Black Sabbath, c'est ça? Ouais, totalement. Alors, je suis passionné d'histoire du cinéma, mais aussi d'histoire du métal. Et c'est vrai que Black Sabbath, c'est un groupe ultra important, parce que c'est ce groupe qui a inventé le métal, si je devais résumer, en tout cas qui a inventé les sonorités du métal, parce que fin des années 60, début des années 70, des groupes de rock au Royaume-Uni, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes, et ils essaient tous de trouver quelque chose, de trouver un angle, de dire allez, il faut qu'on fasse quand même autre chose que de sonner comme les Beatles, en gros. Et donc Black Sabbath, eux, ils ont l'idée de génie de dire eh ben on va s'inspirer du cinéma d'horreur, tiens. Génial. D'ailleurs, Black Sabbath, c'était le titre d'un film d'horreur qui n'est pas sorti sous ce titre là chez nous, mais en tout cas voilà. Et du coup, ils ont injecté là-dedans une ambiance de film d'horreur, des sonorités plus lourdes, plus sombres, et c'est ça qui a inventé le métal. Donc le morceau qu'on écoute est issu de leur tout premier album, et on sent, on est encore J'ai pas pris un de leurs plus grands classiques exprès. On sent avec ce morceau qu'on est encore entre les racines rock, blues, dont voilà, qui est leur culture de base, et des petites sonorités, justement ce côté métal qui commence à injecter, et que sans le savoir à cette époque-là, ils allaient inventer tout un mouvement qui perdure aujourd'hui, qui a explosé depuis. Merci Jérôme pour cette découverte. Repart sur le fil de notre émission. Tu proposes, on propose avec Radio Guémozo bientôt un atelier podcast. Ouais. Hein. Il faut vous inscrire d'ailleurs si vous nous écoutez et si vous êtes intéressé. Ça se passe le samedi 20 août, hein, donc c'est quand même très prochainement, un petit peu la semaine prochaine quand même. Mmh. Hein? Oui, ça vient vite. Qu'est-ce qu'on va proposer à ce moment-là? Alors, ce qu'on va proposer, c'est une association entre mon expérience depuis 10 ans, puisque j'ai aussi fait des bêtises, hein, j'ai forcément, donc j'ai appris, puisque je suis complètement autodidacte du podcast. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle où le podcast explose un petit peu en France, il y a une demande, il y a une vraie demande de conseils et d'outils. Oui. Et je crois que c'est vraiment la fusion de ces deux idées-là. Des conseils liés en grande partie à mon expérience, mais aussi à ce que je sais de tous les podcasts que j'écoute, parce que je suis podcasteur, mais je suis aussi un grand auditeur de podcasts. Mmh. Donc j'ai aussi appris beaucoup de choses par ce biais-là. Et des outils, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire sa propre émission depuis chez soi, eh ben, il faut certainement moins de matériel et moins de moyens que ce qu'on peut imaginer. D'accord. En gros, avec un PC et un micro, on a tout le matos. En gros, on a tout. Et c'est ça que je veux transmettre par le biais de cet atelier, c'est qu'il existe des tonnes d'outils qui sont trouvables en ligne et qui sont pour la plupart gratuits, qui permettent à la fois de préparer son émission, de lui faire un habillage sonore, de lui faire un habillage visuel, parce que c'est aussi un aspect du podcast, oui. Même si c'est ridicule, mais bon, une petite vignette, voilà, il en faut une. Il y a des outils aussi qui existent pour ça. Il y a des logiciels de montage qui ne sont pas si difficiles que ça à apprendre, et pour lesquels, qui sont gratuits eux-mêmes, pour lesquels il existe des tutos en ligne, et puis après pour la diffusion, parce que ça c'est aussi un aspect très mais important. Oui, une fois sûr, qu'on oui, a fait oui. son émission, qu'on l'a montée, il faut la diffuser sur le net. Et bien pour ça aussi, il existe des plateformes qui font une partie du travail à notre place, des plateformes gratuites qui après nous permettent de diffuser le podcast sur plein d'autres plateformes et ainsi de suite. Donc voilà, il existe vraiment des tas de choses gratuites que je vais proposer, puisque j'en ai fait une sélection, puisque en plus la plupart, quasiment toutes, sont des solutions que j'utilise moi-même, et donc je vais pouvoir comme ça, lors de cet atelier, donner des clés qui vont vraiment du tout début, du choix du concept de l'émission, de sa préparation, jusqu'à la toute fin qui est la publication et la promotion de l'émission. Voilà, je peux donner comme ça des tas d'outils qui sont disponibles, et en agrémentant donc le tout de conseils perso, par rapport à ce que j'ai appris depuis des années. Mais c'est trop bien. Outils gratuits, exercices pratiques, astuces. Hein, ouais, en exactement. Quelques mots, voilà ce qui sera proposé. Mm-hmm. Et on profitera du matos qui est aussi sur place, effectivement, pour faire des petits exercices. Ouais. Ce qui est cool aussi, quoi. C'est concret. Il y a des micros, il y a ce qu'il faut. Voilà, on pourra s'exercer. On ouvre au public. En plus, ça nous fait bien plaisir. Mm-hmm. Ça sera donc le samedi 20 août de 13h à 16h. Est-ce que tout le monde peut venir à cet atelier? Ouais, alors ça, c'est un truc effectivement que je défends et qui est très important. Oui, tout le monde peut venir. Tout le monde peut lancer sa propre émission. Tout le monde a le potentiel de faire un podcast. Comme je le disais avant, il suffit de parler de quelque chose qu'on aime. Oui. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de la pop culture. Ça peut être des sujets sociétaux, environnementaux, politiques. J'en sais rien. Il y a pas de mauvais sujet. Et même si on n'est pas à l'aise devant un micro, moi, il y a 10 ans, je faisais moins le malin devant un micro, hein, clairement. J'ai aussi appris à me poser, à parler d'une certaine manière. Tout ça s'apprend. Donc, en tout cas, oui, c'est absolument ouvert à tout le monde. Il n'y a aucune limite, ni d'âge, ni de sexe, ni de, je sais pas, de culture, ni de rien, en fait. C'est absolument ouvert à tout le monde. Tout le monde a le potentiel de faire sa propre émission passionnante. Waouh, c'est beau, ouais. Mmh. J'ai presque envie de clôturer comme ça. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui aimeraient se lancer dans le podcast, justement, en quelques mots? Y a une étape qui fait peur à tout le monde, je le sais, c'est écouter sa propre voix. J'avais noté ça. Et ça, c'est très violent comme exercice. On est tous passés par là. Oui. C'est vrai. Et parce qu'en plus, donc, non seulement il faut qu'on réécoute sa propre voix, mais en plus qu'on rende ça audible à l'étape du montage. Vraiment, je dirais, n'ayez pas peur de cette étape-là. C'est souvent celle qui fait peur. N'ayez pas peur de cette étape-là parce que on s'y fait, on apprend. Aucune émission n'a été parfaite dès le début. Ça n'existe pas, que ce soit en radio ou en podcast ou dans n'importe quel média. Ça n'existe pas. Donc voilà, il faut juste se détendre par rapport à ça et par rapport à soi-même. Parce que oui, parler dans un micro, c'est aussi quelque part se dévoiler. Et peut-être l'exercice le plus complexe, c'est celui-ci, c'est de réussir à être à l'aise avec ça. Et moi, je suis là, en tout cas, je serai là lors de l'atelier pour vous donner tous les outils qui vous permettront justement de ne pas avoir à vous préoccuper de tout le reste et qui vous permettront de vous concentrer sur votre contenu et sur ce que vous avez envie de faire et sur votre voix et tout ça. Et entendre sa propre voix, personne n'en est mort. Vraiment, on s'y habitue, on a horreur de ça, tous, hein, vraiment, tous et toutes. Mais on finit par s'y habituer, on finit par l'accepter, ça fait aussi partie de l'exercice. C'est très important de s'écouter, de rencontrer ces tics de langage, d'apprendre à moduler sa voix, de savoir ce que l'on donne et de savoir où on veut aller aussi à travers tout ça. C'est important. Exact. Un petit peu de recul, d'autodérision, faire taire son ego et tout va bien. Tout est vrai. Ouais, bien d'accord. Est-ce que tu as des projets en cours ? Des projets, alors de quel ordre ? N'importe. Professionnel, podcast. Professionnel, oui, si on veut, puisque je suis à la recherche d'un emploi. Donc oui, j'ai des projets. Il ne reste plus qu'à trouver quelqu'un qui les partage. Tu fais aussi des émissions, parfois télé, avec Vosges Télévisions. Ah oui, c'est vrai. Exemple, oui, je suis. Avec Florian. Ouais, je suis chroniqueur sur Vosges Télévisions, effectivement, dans l'émission Cinémag, grâce à Florian Lambollet, qui m'a accueilli au sein de l'équipe. Et du coup, c'est une vraie rencontre aussi avec Florian. Hein, donc, principalement connu pour avoir participé à Pékin Express, mais qui a fait en vrai des tas d'autres choses, des tas d'émissions de radio, de télé. Vraiment. Il est même passé ici. Ouais, donc voilà. Et du coup, on a aussi lancé d'autres formats. Du coup, on a lancé une émission sur YouTube qui s'appelle Stranger Films. Oui. C'est un exercice dont j'ai de l'habitude. Hein. Du coup, on fait des critiques de films. soit à l'affiche, soit des vieux films qu'on a vus quand on était jeune. Et donc là, on est en vidéo sur YouTube. Bon, pour moi, c'est un exercice un peu différent, mais c'est super intéressant. Je participe aussi à une autre de ces émissions qui s'appelle On saura tout, qui est plus une espèce de jeu en vérité où ils nous posent des tas de questions improbables sur des sujets improbables et des actus improbables et on en profite pour discuter, pour s'amuser, pour voilà. Il y a d'autres choses dont je peux pas forcément parler pour le moment, mais c'est vrai que je suis pas mal occupé entre les émissions sur YouTube, les émissions sur Vosges Télé, mes propres podcasts et tout ça. La musique. On est en train de préparer un album avec Génial. Mon groupe, qui est déjà enregistré aux trois quarts. Il faudra venir ici pour en parler. Ah bah avec plaisir. Ouais, carrément. Donc voilà, beaucoup de choses effectivement qui se profilent pour moi. Super. Cette émission, elle est passée carrément à toute vitesse. On aurait pu rester 5 heures, je pense. Sans problème. Mais on n'est pas en train de faire un podcast. On est sur Radio Gémozo et du coup, il va falloir libérer l'antenne pour les autres quand même. Qu'est-ce que je te souhaite pour la suite ? De m'éclater dans ce que je fais. C'est le moteur de tout ce que je fais. C'est le moteur de tous les podcasts que je fais, des émissions auxquelles je participe, de la musique que je fais et, si possible, du taf que je trouverais de continuer à m'éclater dans ce que je fais. Voilà, c'est tout ce que je demande en fait. Parce que si t'as ça, tout roule en vérité. Voilà. Et même s'il y a des pépins, des problèmes et tout ça, machin, c'est pas grave. Tu les résous, tu prends le temps qu'il faut, les ressources qu'il faut pour les résoudre. Mais en vrai, tout roule. Ah, ça fait plaisir. Très beau mot de la fin. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour nous parler de ton univers, même si on aurait pu encore en parler, je pense, des jours entiers. Oui. Hein, la nuit, par exemple. Oui. On peut faire ça la nuit. Merci, Chris, d'être venu avec moi. Merci à toi. Merci, Chris. Et puis voilà, auditeur de Radio Gémozo, je te laisse avec la suite des programmes sur notre antenne. Et puis comme tous les lundis, mais aujourd'hui on est mardi, donc comme à chaque émission, à chaque odeur du son, eh bien c'est la même fin. Prends bien soin de toi, prends bien soin des autres. Alors je vais pas lancer mon générique, je vais relancer le quatrième son que tu nous avais préparé quand même, parce que j'ai un peu coupé dans le vif les auditeurs endiablés par ce son incroyable. Qu'est-ce que tu nous avais prévu? Alors, je vais essayer de faire court, ce qui n'est pas mon fort. Aerosmith, le groupe qui a changé ma vie quand j'étais ado. Avant Aerosmith, j'écoutais de la dance à la radio. Après, c'est pas vrai. Ah si, vraiment. Ouais. Et j'avais les cheveux courts. Après Aerosmith, j'ai commencé à écouter du rock, puis du hard rock, puis du metal, puis du thrash metal. Puis je me suis laissé pousser les cheveux. La barbe. Je me suis habillé en noir, puis la barbe et ainsi de suite. Donc voilà. C'est ça change en homme. Ouais, complètement. Le groupe qui a changé ma vie, ni plus ni moins, est un de leurs plus grands classiques de 1975, Toys in the Attic. Ça se trouve, on va changer la vie de plein de gens aujourd'hui. Oui. J'aimerais bien. À bientôt.